Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top, les meilleures sorties de la saison pour vous tout l'été. Dans le nouveau chapitre adapté de la célèbre saga Les Chroniques de Narnia, les quatre enfants retournent une nouvelle fois dans le fabuleux monde de Narnia, où les attendent de nouvelles aventures auxquelles même leurs précédents exploits ne les ont pas préparés. Je ne me souviens pas qu'il y avait des ruines. Je me demande qui vivait ici. C'était notre palais. Il est temps de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Qui êtes-vous ? Je suis le prince Caspian. Vous découvrirez qu'à Narnia, la barbarie règne plus que jamais. Tout ce que vous pensiez savoir va être bouleversé. Pour Narnia ! Après le chapitre 1, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, voici la suite, le monde de Narnia, chapitre 2, Prince Caspian, un film d'Andrew Adamson, 2h20 d'aventures et d'effets spéciaux, un film pour toute la famille et plus particulièrement pour nos jeunes amis. Un DVD, Buena Vista.